Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Le plan d'aujourd'hui, à Assemblage Ricky. On accueillera encore un nouveau dans l'équipe, Antoine Ricard et sa chronique pénère. Et je suis pas vraiment nouvelle, mais je serai toujours très divertissante dans ta niaise que d'entertainer. N'en doute même pas. Assemblage Ricky commence tout de suite. Assemblage Ricky pour toi, aujourd'hui. Assemblage Ricky pour toi, aujourd'hui. Bienvenue à Assemblage Ricky en ce lundi 19 février 2018. On est à 67 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières. Une autre dizaine de fêtes. Ben oui. 67, c'est pas si pire ça. Mais non, c'est excellent. Je m'excuse pour mon petit retard ce matin. Hein? C'est correct. Ça arrive, des choses comme ça. Mm-hmm. Lundi difficile. Oui. Pour bien des parties de mon système. Aujourd'hui, on a justement beaucoup de problèmes dans le système parce que bien des changements ont lieu par rapport à notre lundi habituel, quoique notre lundi est rarement habituel. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Normalement, on aurait Marc Lachance à 9h. C'est aux deux semaines maintenant, donc il va être avec nous la semaine prochaine. Normalement, on aurait aussi, qui avons-nous le lundi? Marc Gagné, qui devrait être là. Aujourd'hui, ne peut pas être avec nous, donc on va le revoir la semaine prochaine aussi. Et on accueille un nouveau aujourd'hui, qui est Antoine Ricard, qui normalement ferait sa chronique en deuxième heure, mais là, il est repoussé à 9h30. Donc, lui-même, un nouveau dès le départ, changement. Bam! Ben oui! Tu sais, il veut fitter dans l'équipe. C'est ça, exactement. Un changement dès le départ. Par contre, notre morceau stable aujourd'hui, c'est Léa Tessier qui va être avec nous à 7h30 pour sa chronique de mash-up musical. On va encore prendre deux styles musicaux différents et les agencer ensemble comme des artistes de l'aménagement musical. Mm-hmm. Mm-hmm. Ta chronique s'en vient aussi, Tania Esgola-Entertainia, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Eh bien, on va discuter un petit peu de ce qui s'est passé cette fin de semaine, c'est-à-dire le lancement des Nuits polaires. Ah ben oui, c'est les feux d'artifice, j'avais ça dans ma fenêtre. Moi. Exactement, on va revenir un petit peu là-dessus, puis on va parler des prochaines semaines aussi, parce que rappelons-nous que c'est pendant 3 semaines de suite, oui. Alors 3 fins de semaine. Et on va bien évidemment aussi faire un bref retour sur ce qui s'est passé du côté de Pyeongchang, cette fin de semaine. Ton obsession. Parce que c'est pas terminé. Les Jeux olympiques continuent toujours. Et j'ai eu la chance, en fait, de m'entretenir avec quelqu'un qui s'y connaît du côté du slopestyle. Ah. On a parlé des trifluviens, là. Ben pas trifluviens, mais en fait, les Mauriciens, les gens qui viennent de la Mauricie, qui ont réussi à se rendre du côté des Jeux olympiques. Alors, on va revenir un petit peu là-dessus. On va discuter un peu de c'est quoi ça, Pyeongchang, puis le ben slopestyle. Oui, c'est ça. Ah, ben, ça va être intéressant, ça. Mm-hmm. Ah, ben oui. Mais avant ça, on va commencer en musique avec une petite pièce du palmarès francophone. C'est tout nouveau, c'est bien tranquille. C'est par Drug Train. Ça a l'air violent, dit comme ça, Drug Train. Mais voici Donnant Donnant à Assemblage Ricky. Bonne semaine. Insensé, insensé, insensé, insensé. donnant. Faut que tout le monde mette la main à la pâte, hein. Exactement, si on veut que ça fonctionne. La formation Drug Train à Assemblage Ricky. Maintenant, c'est son foutu palmarès. Oui, on va établir une liste sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, on y va avec l'international. Oh. Mm-hmm. On parle en fait de la Grande-Bretagne. D'accord. Du Royaume-Uni. On va parler de choses peut-être bizarres au sujet des maisons en Grande-Bretagne que nous, les Nord-Américains moyens, pourrions ne pas comprendre. Par exemple, le fait de ne pas avoir de garage, de sous-sol ou d'air climatisé. Oui. Si de ne pas avoir ça, ce serait difficile peut-être des fois pour certains. Oui, non, c'est vrai, c'est un mode de vie complètement différent. Voilà, en Grande-Bretagne, si tu vas habiter là un jour, peut-être que tu vas devoir t'en passer. Non. Évidemment, on connaît tous des faits insolites sur la Grande-Bretagne. Là. Bon, les toilettes, c'est les loups, puis les petits biscuits, on appelle ça des biscuits au lieu de cookies, comme on le fait en anglais. Hein? Qu'il y a beaucoup de pluie peut-être là-bas, des trucs comme ça. Hein? Mais commençons par le fait que la salle de bain, là-bas, n'est pas ce que l'on croit. Alors, en Amérique du Nord, quand on demande où est la salle de bain, on se fait diriger à une pièce où il y a une toilette. Ben oui. Évidemment, mais pas en Grande-Bretagne. Ah. Ils sont plus littéraux que nous. Hein? Ils vont te présenter une pièce qui a un bain ou une douche, même s'il n'y a pas de toilette en tant que telle. OK. Hein? La toilette, t'appelles ça comment, la toilette? La toilette. Ah, d'accord. Si tu veux demander une place où aller faire tes besoins, il faut demander la toilette. Le lavatory... Ou le loup, comme j'ai dit tout à l'heure. D'accord. Oui. Ensuite, justement, par rapport à la toilette, on pourrait... nous, en tout cas, en Amérique du Nord, on se lave les mains aussitôt qu'on sort de la toilette, aussitôt qu'on a fait nos besoins, hein, et on se lave les mains. Mais peut-être qu'en Grande-Bretagne, tu vas devoir faire autrement parce que les lavabos sont pas nécessairement là où la toilette est située. Certaines maisons britanniques n'ont pas toujours le lavabo directement dans la même pièce que la toilette. C'est pas le cas pour toutes les maisons, bien sûr. Il pourrait y avoir une pièce avec un lavabo, mais pas de toilette, ou une avec une toilette, pas de lavabo. Tu vas peut-être devoir te promener un petit peu avant de pouvoir te laver les mains. Donc, quand quelqu'un te pointe la salle de bain, ils vont te dire « la salle de bain ou la toilette est là » et la place pour te laver les mains est à l'autre bout du corridor. Savais-tu qu'en Grande-Bretagne, l'eau chaude et l'eau froide ne sont pas mélangées? Ah non, je savais pas. À moins qu'on le fasse soi-même. OK. Dans les maisons nord-américaines, bien sûr, on a tout le temps une poignée. Pas tout le temps, mais souvent un bouton ou une poignée séparée pour l'eau chaude et l'eau froide. Sauf que les deux se mélangent ensemble dans un même robinet. On connaît ça, ça crée un seul flow d'eau. Mais dans certaines maisons en Grande-Bretagne, c'est deux robinets séparés. Oh! Il y a une très bonne raison pour ça, par contre. Vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les maisons britanniques ont été créées d'une façon qui pouvait exposer leur réservoir d'eau aux éléments s'ils n'étaient pas correctement maintenus. Dans ces vieilles maisons-là, les réservoirs d'eau étaient souvent placés dans le grenier d'une maison. Le réservoir qui amenait de l'eau chaude pour le chauffage central et pour l'eau chaude. Par contre, si une partie du grenier se dégradait jusqu'à ce que l'eau entre dans l'endroit, les réservoirs d'eau pouvaient devenir rouillés ou couverts de saleté. Donc, dans certains cas, les rats pouvaient même entrer dans les tuyaux où ils flottaient jusqu'à ce que quelqu'un les retrouve. Ce qui voulait dire que l'eau qui provenait de ce réservoir d'eau-là, d'eau chaude, n'était pas techniquement buvable. Donc l'eau du côté froid venait des lignes principales de la ville et ça, c'était sécuritaire à boire. Donc tu comprends que le côté chaud, le côté avec les rats et les saletés... Là. C'est dégueulasse un peu. Tu peux pas boire de là. Non. D'où le fait que les deux étaient séparés. Il y a certaines maisons qui ont un robinet mixte. Hein? C'est juste une maison plus récente. Ah, OK. C'est pour ça. Leur prise de courant ont quelque chose de plus... que nous, en Amérique du Nord, souvent... ça pourrait, effectivement. Mais non, on branche en Amérique du Nord les trucs d'une certaine façon dans la prise de courant. On va aussi même débrancher des fois les trucs de la prise de courant pour s'assurer que ça prenne pas d'électricité, par exemple une lampe, peu importe, quand on n'est pas à la maison. Mais en Grande-Bretagne, les prises de courant ont un petit bouton qui allume et éteint les prises. C'est vrai. Donc c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu ça ici. Écoute, je te dirais que je crois que ça existait dans les vieilles maisons. Oui. Ah, mais j'ai une maison d'avant 1900, hein, mais peut-être qu'ils ont rénové, là. Oui, c'est ça, la plupart. Ben, je me rappelle qu'à Montréal, il y en avait, en fait. Mais il y a encore beaucoup d'appartements avec de l'eau, les radiateurs avec de l'eau chaude à l'intérieur. Leur prise de courant, bon, on en a parlé, mais leur branchement, leurs fils sont aussi très différents. Comme plusieurs plugs électriques en Amérique du Nord, les fils britanniques ont aussi trois petits... bout de métal, branchement, voilà. Mais ceux en Amérique du Nord sont tous de la même longueur, alors qu'en Grande-Bretagne, ils ne le sont pas. C'est parce qu'ils sont créés avec la sécurité en tête. Donc, évidemment, on a le plus long morceau, un petit peu comme nous, on a le morceau un petit peu plus cylindrique qui fait la mise à la terre, bien sûr. Les deux autres plus courts sont ce qui envoie l'électricité à ce que tu utilises, mais c'est fait pour qu'il n'y ait aucune électricité qui soit livrée avant que ce soit complètement poussé jusqu'au fond. Mm-hmm. Ici, tu as sûrement déjà remarqué que si un appareil est allumé, tu fais juste frôler la prise de courant puis ça se met à fonctionner. Tu sais, si t'as oublié ton séchoir allumé, ouais, tu fais juste à peine frôler et ça fonctionne. Eux, il faut que tu te pousses jusqu'au bout. Donc, comme ça, s'il y a quelque chose de logé dans la prise, l'électricité pourra pas passer et causer des problèmes. Ah. Donc, c'est vraiment fort. L'apparence est particulière pour nous, les Nord-Américains, mais c'est vraiment plus intelligent que nous. Souvent, on revient à la salle de bain, mais on reste dans l'électricité. Souvent, on n'a pas de bouton pour l'électricité ou pour la lumière dans la salle de bain en Grande-Bretagne. Pour pas s'électrocuter? Non, mais c'est très commun d'avoir encore la petite corde. Oh! Tu sais, la petite corde comme on a dans les garde-robes ou dans les comme sous-sols. Dans Harry Potter. Comme dans... Ben, exactement. Donc, dans les sous-sols, les caves, les endroits comme ça, le storage, on a ça en Amérique du Nord, mais eux, en Grande-Bretagne, souvent, dans les salles de bain, c'est typique de voir, encore une fois, la petite corde. Il faut faire attention pour pas s'accrocher à la tête dedans. Hein? Ben oui. Ensuite, ça se pourrait justement, en parlant de cave, qui n'est pas de cave en Grande-Bretagne, plusieurs Nord-Américains ont bien sûr un sous-sol ou une cave dans leur maison. C'est fait pour entreposer des trucs, mais aussi des fois ça peut être fini comme un salon. Hein? Mm-hmm. Mais c'est pas super commun en Grande-Bretagne. OK. Apparemment. Pourquoi? En fait, c'est ça. Ça dit juste qu'il n'y en a pas autant qu'ici. Surtout le type de sous-sol qu'on pourrait meubler et utiliser pour aller chiller, là, c'est pas vraiment ce qu'ils ont. Ils ont vraiment souvent plus des caves froides avec des. C'est humide, c'est sombre. Y a des fois peut-être des petites choses que tu ne veux pas voir nécessairement. Mm. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être la petite corde avec juste un petit spotlight. Ouais. Tu ne veux pas trop voir ce que la corde. Plaisant, ça, plaisant. C'est épeurant. Hein? Si tu cherches une place pour chiller, la place d'un sous-sol, vu que t'en as pas en Grande-Bretagne, ben tu pourrais te retrouver dans la petite shed en arrière. Oh! Ah oui, ben c'est là qu'on passe notre temps dans certaines maisons britanniques. C'est l'endroit où on met la tondeuse, mais les sheds sont souvent utilisés par les Britanniques comme endroit pour pratiquer leur hobby, pour faire du bricolage. Ah, wow, OK. Peu importe. Le garage peut aussi être une bonne place pour ça, mais plusieurs Britanniques n'ont pas de garage, et quand ils en ont, ils sont pas si gros que ça. Hein? Ouais. Ils ont un système pour l'électricité qui est quand même assez intéressant. On a un petit peu la même chose ici. En tout cas, tu me corrigerais si j'ai tort. Dans certaines maisons britanniques, les gens peuvent payer en cours de route pour leurs équipements, leurs appareils électriques. Donc, ils vont... c'est pas ce qu'on a ici du tout, là, mais ils vont simplement à un magasin local et échangent de l'argent pour des crédits qui seront ajoutés à leur compte d'électricité. Ce qu'on a ici en Amérique du Nord, l'estimation, comme Hydro-Québec le fait, qui essaie comment... combien vous utilisez d'électricité à chaque mois qui base votre facture sur une moyenne pour mieux estimer le budget électrique. C'est spécifique à Hydro-Québec, ça, dirais. Exact. Mais certaines compagnies britanniques font aussi ça, qui est une bonne amélioration par rapport à leur ancien système qui demandait aux familles, en fait, de mettre des pièces de monnaie dans une machine lorsqu'ils venaient utiliser quelque chose, par exemple la laveuse. Donc, tu avais vraiment une place pour mettre de la monnaie dedans. Incroyable. Ensuite, les mois plus chauds peuvent être un petit peu plus chauds à l'intérieur. Si vous avez toujours chaud comme moi, là, en ce moment même, j'ai super chaud, et que vous vivez en Grande-Bretagne, mais il y a plusieurs maisons qui n'ont pas d'air climatisé. C'est pas parce qu'ils aiment ça être punis, en fait, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'air climatisé, ce qu'ils appellent là-bas le aircon. Mm-hmm. Hein? C'est souvent très rare. Même les mois plus chauds, la pluie est très commune en Angleterre, donc même les jours les plus chauds sont souvent un petit peu plus froids à cause de la pluie. Les températures estivales ne vont probablement pas se rendre aussi haut qu'en Amérique du Nord. Donc, leur air climatisé, s'ils en avaient, ça servirait seulement quelques jours par année ou même pas en tout temps. Hein? Mm-hmm. Voilà. C'est tout pour la liste des faits sur la Grande-Bretagne. Mm-hmm. On va passer à des faits sur le Nouvel An chinois maintenant. Oh, d'accord. On change d'endroit dans le monde. Mon Dieu, vraiment? Quand je dis qu'on a une thématique, on a une thématique mondiale. Le Nouvel An chinois, si je me souviens bien, c'est proche de Mars. Ça vient pas juste de se passer. Ouais, parce que, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai vu les affiches dans le corridor. Bref, il y en a qui appellent ça le Festival du printemps. Hein. C'est une période de temps qui parle qui signifie la progression du calendrier chinois lunisolaire. Hein. D'autres appellent ça le Nouvel An chinois. Donc, c'est une période de 15 jours qui débute le 16 février. Donc, on est en plein dedans. Hein, jusqu'au mois de mars. La Chine accueille l'année du chien. Vous avez sûrement remarqué un des 12 animaux dans la table du zodiaque chinois. Si vous ne connaissez pas ça, comme moi, un peu, on va essayer de démystifier ça un petit peu avec une liste de faits de mentalfloss.com. La fête à l'origine qui était là pour faire peur aux monstres. La légende dit plusieurs choses connues dans le Nouvel An chinois viennent en fait de la peur de Ni, hein, un monstre féroce qui attendait le premier jour de l'année pour terroriser les villageois. Oh. Ouais, agissant donc selon les conseils d'un vieux sage, les gens dans la ville utilisaient des bruits vraiment intenses, des feux d'artifice, la couleur rouge pour lui faire peur, et tout ça, ben ça reste des composantes de la célébration telle qu'on la connaît aujourd'hui. Plusieurs familles utilisent ça comme motivation pour nettoyer la maison. Ah, OK. Ouais. Donc, grand hommage au Nouvel An chinois. Les façons, les méthodes ont changé à travers les années. Au départ, c'était une opportunité pour les maisonnés, donc de nettoyer de ce qu'on appelle le wiki, H-U-I-Q-I, où c'est l'haleine des gens qui restaient dans la place. Ouais. Les familles donc faisaient des rituels de nettoyage méticuleux pour rendre hommage à leur dieu qu'ils croyaient qu'il allait leur rendre visite plus tard. La fête est toujours utilisée aujourd'hui pour ressortir les trucs de nettoyage, même si c'est supposé être fait avant que la fête vraiment commence, comme on l'a dit, le 16 février cette année. Ça va causer des milliards de voyages, le Nouvel An chinois. Ben oui. Étant donné l'accent qu'on met sur les liens familiaux, des centaines de millions de gens vont utiliser cette période-là pour faire un petit voyage à la maison. Si on compte les voitures, les trains, les avions et d'autres méthodes de transport, la fête devrait amener 3 milliards de voyages pendant les 15 jours du Nouvel An chinois. Il y a beaucoup de superstitions par rapport à ce Nouvel An chinois-là. Ben oui, ben évidemment. Oui, c'est pas tout le monde qui croit... Attends un petit peu. C'est pas tout le monde qui croit à ce qu'on ne doit pas faire pendant le Nouvel An chinois. Oh, okay. D'autres essaient d'observer quelques prohibitions particulières. Par exemple, visiter un hôpital ou prendre des médicaments, ça devrait inviter la maladie. Donc, on fait pas ça, visiter un hôpital ou prendre des médicaments pendant ces jours-là. Prêter ou emprunter de l'argent va encourager la dette, alors que les enfants qui pleurent peuvent amener de la mauvaise chance, de la malchance. Tout le temps? Ben oui, tout le temps. C'est connu, voyons. Mais surtout au Nouvel An chinois. Certaines personnes vont louer des copains ou des copines pour calmer leurs parents. Ah! C'est comme chinois. Thanksgiving du côté des États-Unis. C'est exactement ça. Donc, c'est un petit peu mal vu de rester célibataire alors que tu arrives dans ta trentaine. Lorsque les célibataires retournent à la maison pour visiter leurs parents, certains vont engager une personne pour jouer le rôle de leur tendre moitié pour donner l'impression qu'ils sont dans une relation et éviter que les parents chialent. Donc, les services de location de copains ou de copines, oui, ça peut coûter environ 145$ US par jour. Les enveloppes rouges sont partout lors du Nouvel An chinois. C'est une tradition qu'on observe souvent pendant le festival du printemps, c'est de donner des cadeaux d'enveloppes rouges contenant de l'argent. La couleur rouge qui symbolise l'énergie et la fortune. De nouveaux billets sont attendus, donc on s'attend à voir de nouveaux billets, pas des billets tout froissés. Les billets tout froissés, c'est un signe de paresse. Les gens vont souvent se promener avec une enveloppe remplie d'argent au cas où ils rencontraient quelqu'un à qui ils devaient donner un cadeau. Donc, tu transportes tes enveloppes avec de l'argent dedans. Ah oui, toi, tiens, j'ai un cadeau! Si quelqu'un t'offre une enveloppe, il faut l'accepter avec les deux mains et l'ouvrir en privé, pas devant la personne, si jamais quelqu'un vous en offre un. Hein? Ça peut créer des niveaux records de smog. Le smog, le Nouvel An chinois... les feux d'artifice qui sont très connus au Festival du printemps en Chine, mais il y a plus de dangers associés à cette tradition-là que d'explosion, en fait. Les villes comme Beijing peuvent vivre 15 fois plus de pollution pendant le Festival du printemps. En 2016, d'ailleurs, Shanghai a banni les feux d'artifice à l'intérieur de la métropole. Oh, d'accord. Ouais. Ensuite... les vêtements noirs, c'est de mauvais augure pendant le festival du printemps. Même chose pour les vêtements blancs. En Chine, les vêtements noirs ou blancs sont traditionnellement associés avec le deuil et on ferait mieux de les éviter pendant le mois lunaire. Le rouge, les vêtements colorés, entre autres, eux symbolisent la chance, donc c'est encouragé. Ça mène à des avions remplis de cerises. Les cerises sont très populaires pendant le festival du printemps, donc le Nouvel An chinois. Il faut aller à l'extrême pour rencontrer la demande, donc pour réussir à en offrir autant que les gens en demandent. L'an dernier, Singapore Airlines a amené 4 jets dans les régions du sud-est et du nord de l'Asie. Oui, plus de 300 tonnes de cerises ont été livrées à temps pour le festival du printemps. S'en fait de la cerise. Les restaurants chinois comme Panda Express espèrent que ça va commencer à devenir populaire en Amérique du Nord. Donc les menus de restaurants chinois sont pas mal américanisés, hein, mais la franchise Panda Express espère que les États-Unis vont participer un petit peu plus à ce festival-là dans les années à venir. La chaîne fait la promotion de la fête dans ses restaurants et passe des publicités à la télé, donnant des enveloppes rouges contenant un cadeau qui est un coupon pour de la nourriture gratuite. Hein, donc, comment commercialiser une fête aussi noble que le festival du printemps? Ils espèrent non seulement faire de l'argent, mais aussi faire que les gens soient au courant que la fête existe aux États-Unis. Voilà pour les choses que vous savez peut-être pas. Moi, en tout cas, je ne savais pas sur la fête du printemps. Ben non. Le Nouvel An chinois. Intéressant. Voilà pour son foutu palmarès. On s'en va entendre une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Tantôt, on a entendu une pièce en francophone de Drug Train. Oui. On se disait, c'est bizarre, un nom en anglais pour une... C'est vrai. Bon, on fait la même chose en anglophone. C'est Daniel Duval. Oh! Avec la pièce Lose It, tout de suite à Assemblage Rocky. De Daniel Duval, Assemblage Rocky, au retour le mash-up musical de Léa Tessier. Assemblage Rocky pour toi, aujourd'hui. C'est fou! aujourd'hui. Oh, c'était Holy avec Night on Earth. Pas Holy Night comme dans Oh Holy Night ou d'autres chansons de Noël. Mais non. Même si Léa portait un chandail Let It Snow. C'est pas un chandail de Noël, c'est un chandail qui dit Let It Snow. C'est ça. C'est ça. C'est encore l'hiver. Oui, c'est encore l'hiver. Même si aujourd'hui on rentre plus, hein. Ben oui. Degrés. Ça va faire du bien, ouais. Ça va faire du bien. Bref, oui, toujours à Assemblage Requis, Léa Tessier, dont je viens de mentionner le nom, qui est avec nous pour sa chronique de mash-up musical. Ça va bien, Léa? Oui, ça va. Yay! Yeah. Content de t'avoir pour parler encore une fois de deux styles musicaux qui se mélangent ensemble. De quoi est-ce qu'on parle cette semaine? Aujourd'hui, on va parler de J-Funk. De J-Funk? J-Funk. Est-ce que c'est J comme dans la J-Pop, le Japanese Pop? Non. Non, pas c'est ce un J. Un G. Ah, OK, en anglais, un G. Mm-hmm. En français, un G. C'est OK, ça. OK. Je croyais que c'était G. Pourquoi G? Ça veut dire gangsta funk. Oh! Ou ghetto funk. OK, donc ça veut dire un petit peu genre, comment dire, bling bling rap hip-hop, mais mélangé avec du funk, donc la petite musique de relations sexuelles consentantes. C'est ça? Voilà. Voilà. Hein? Oh boy! C'est bien écrit. Mais ouais. Ça vient d'où ce G-Funk là? Donc en fait c'est vraiment du mélange de rap et de funk. Okay. Du coup, et c'était très populaire dans les années 90. Okay. Mais plus trop maintenant. Et donc ça a été. En fait ça vient de la côte ouest des États-Unis. Ça a été popularisé partout aux États-Unis par Dr. Dre. Ah ben oui. Aha. Avec son premier album en 92. Et ensuite ça a été popularisé partout dans le monde parce qu'il y a eu l'assassinat de deux jeunes chanteurs en fait. C'est Tupac et Notorious B.I.G. Mm-hmm, mm-hmm. En 97 et 96. Rest in peace. Voilà. On s'ennuie d'eux depuis. Donc en fait, le premier titre qu'on va écouter, c'est Still Dre de Dr. Dre. Featuring Snoop Dogg. Snoop Doggy Dogg. Oh. Oui, à Assemblage Requis, c'est bien la première fois qu'on joue ça. Ben oui, mon Dieu. Ça va faire du bien. Who's back? Still. Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day. AK. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How? My last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed. They wanna know how I feel about it. You ain't up on pain. Dr. Dre is the name. I'm ahead of my gang. Still puffing my leaf. Still with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to the feet, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm asleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give still, you the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world.

Non, électro. Non. Ah, man. J'ai déjà perdu. Il y avait eu du pop-punk. Ouais. Pop-punk. Puis ça, je pense. Est-ce que j'en ai manqué un? Je pense que j'en ai mis un. Sans que j'ai oublié. Electro country. Electro country. Oui. Et voilà. Bon, fait que déjà, j'ai perdu le jeu de me rappeler toutes les chroniques. La semaine prochaine, on se retrouve les lundis à 7h30. Léa Tessier, merci beaucoup. Merci. Bonne semaine. On prend une pause. Au retour, ce sera au tour de Tania de nous divertir plus tard avec sa chronique. Qu'est-ce qui s'en vient tantôt dans ta chronique, Tania? Bien, on parle de ce qui s'est passé cette fin de semaine du côté du centre-ville de Trois-Rivières. Ouh, les nuits polaires. Oh oui. C'est cool. À ça. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou. 89.1. Ensemble argentique pour toi aujourd'hui. Avec Nourrir les loups. Assemblage requis, maintenant c'est l'heure de nourrir nos cerveaux. Dans Tania's Gonna Entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain. Dun, dun, dun, dun. Mm-hmm.

fois tout fait pour le nerf de la guerre. C'est l'heure de réveiller les insensibles, tous pour un comme les mousquetaires. On pardonne encore aux imbéciles. Un jour on veut finir démaquillés et tomber tour à tour comme des bêtes habillées. Puisque tout le monde tombe, tout le monde tombe, un jour ou l'autre. Tout le monde tombe, tout le monde tombe, un jour ou l'autre. Au centre-ville de Trois-Rivières cette fin de semaine, Karim Ouellet avec Parachute. Et avant ça, on a entendu Kim Churchill et Some Days the Rain May Fall. C'est excellent. Ben oui. Les deux artistes. Alors imaginez le spectacle incroyable gratuitement sur des forges en fin de semaine. On n'y pas l'air. On prend une pause au retour. Les instructions à l'assemblage. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Milk and Bone avec Nevermore à Assemblage Requis. Plus jamais plus vous aurez jamais de difficultés parce qu'on va vous donner des conseils dans les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas! Les instructions d'assemblage, la chronique où on se donne quelques petits conseils, des suggestions pour mieux faire certaines choses dans la vie. Même si la chronique s'appelle instructions, on vous dit pas de le faire absolument. Hein? Mais non. Alors, on va commencer avec ta lecture. Est-ce que ça t'arrive des fois de commencer un livre et tu te sens un petit peu forcé à le terminer? Est-ce que t'es capable d'arrêter quelque chose en cours de route? Écoute, je me sentais de même avec mes lectures à l'université, ouais. Sinon tout allait bien. C'est ça, les lectures pour le plaisir, ça va d'habitude, hein? C'est ça. Bref, il y a des gens qui savent pas comment arrêter de lire un livre qu'ils aiment pas. Même quand ils lisent pour le plaisir. Ouais, je sais. Des fois, ça les stresse. Des fois, ils veulent être complétistes, complétionnistes, peu importe, et terminer ce qu'ils ont commencé. Mais Colin, non. Ce qu'il faut faire pour réussir à passer à autre chose, c'est que quand t'aimes pas le livre, tu arrêtes et t'en commences un autre tout de suite. Ah, idéalement, la même minute, donc au même moment. Comme ça, tu vas complètement perdre ce que tu avais avant. Il faut que tu continues à lire, par contre, parce que sinon, tu pourrais abandonner la lecture au complet. Il faut pas faire ça. Hein? Et si ton deuxième livre est aussi plate, ben, tu peux aussi l'arrêter. Il n'y a aucune limite au nombre de livres que tu peux arrêter de lire. C'est ça. C'est vrai. Le conseil qu'on nous donne. Je trouve que c'est bien, moi. J'aime ça. On pourrait appliquer ça pour les séries télé aussi, pour ben les oui, films, pour n'importe quoi. Même si c'est le fun de lire toute l'œuvre d'un auteur, des fois, c'était pas... Des fois, ça colle pas, hein? Ça colle pas. C'est ça. Est-ce que tu te donnes une limite, un nombre de pages, un nombre d'épisodes, d'heures, de quelque chose? Ça pourrait être ça aussi. En termes d'épisodes, j'essaie d'en écouter au moins trois. Parce que le premier, souvent, on va essayer d'établir les personnages. Le tellement deuxième, d'accord. La situation. Le troisième, on rentre dans l'action. Ouais. Mais là, si après trois... Tu me rejoins pas. Tu me rejoindras jamais. Tu me rejoindras pas. Il y a des choses comme ça. Par contre, il y a des trucs dans la vie que je leur ai donné une chance de plus étant donné les commentaires que les gens m'en donnaient. Par exemple, la série Parks and Recreation, j'ai trouvé que la première saison, c'était pas tellement mon genre. Deuxième saison, par contre, badaboum, badaming, ça continue. Ah, c'est ça. Mais souvent, là, dans les séries télé, on va peut-être changer d'auteur ou on va changer de producteur, de réalisateur. Souvent, ça peut jouer sur comment est-ce que les gens vont aller te chercher au visuel pour capter ton attention, justement. Je pense que c'est la différence avec un livre aussi. Un livre, je te dirais que je me garde un bon 15-20 pages pour décider si j'aime ça ou si ça va être le même auteur, la même histoire. Oui, ils changeront pas d'équipe. Mais au bout de 15-20 pages, si je réalise que j'aime pas tant ça puis l'histoire s'établit jamais vraiment, excuse-moi, là, mais je le lirai pas ton livre, c'est m'a te donné. Un film, c'est moins pire parce que c'est pas un grand investissement de temps. 2-3 heures, tu le regardes au complet, d'après moi. Exact. Difficile d'arrêter le milieu d'un film puis de dire « Ah, j'aime pas ça. » finalement. Mais bref, donc pour la lecture, ça pourrait être un petit conseil. Ensuite, apparemment, si vous regardez les Olympiques et que vous les écoutez en anglais, les anglophones ont de la difficulté avec le nom Pyeongchang. Apparemment, on entend les commentaires le dire mal le nom. Ils botchent le mot. Donc, ce qu'il faut apparemment dire, c'est qu'il faut, il faut que le A dans Chang, ce soit comme quand tu ouvres la bouche pour faire A. Pyeongchang. Pyeongchang. Mais il y en a qui disent Pyeonghang aussi. Oui, aussi. Mais il y en a qui disent Pyeongchang et c'est pas bon, ça. Oui. Et difficile. Tu sais, je veux juste dire, mettons là, que toi, tu veux dire Pyeonghang au lieu de Pyeongchang. Mettons, là. Mais si vous êtes au même poste. Oui. Parlez-vous. Oui, s'il vous plaît. Oui. On peut-tu s'entendre sur, genre, vous choisissez, tirer au pile ou face au pire, mais choisissant juste un. Tout le monde pareil. Un petit peu de cohésion, de cohérence. Tu sais, mettons, deux co-animateurs qui disent pas le même nom. Ouais. C'est un peu dur à suivre. Un petit peu. Pyeongchang ou Pyeonghang? Est-ce qu'on est à Radio Canada? Non, tu sais, c'est ça. Écoute, je sais pas. On a quelqu'un de l'Asian American Journalists Association, leur groupe Media Watch, qui a partagé une petite vidéo pour nous montrer en anglais comment on devrait le prononcer. I'm Stefan Kim, Media Watch co-chair at the Asian American Journalists Association. Oui, ça va, ta présentation. It's AAJA's guidance. The correct pronunciation is Pyeongchang. La prononciation correcte est Pyeongchang. Like when you go see your doctor. Comme quand on va voir le docteur. Pyeongchang. Et le gars, c'est un gars de la, j'imagine, de la Corée. Pyeongchang. On va le remettre, parce que j'arrête pas de parler. Ah, Ah, like when you go see your doctor. Ah, Pyeongchang, Pyeongchang, Pyeongchang. Pyeongchang. Voilà, tu l'as compris? Là? Alors, s'il vous plaît, il y a un tch. Un tch. C'est ça, c'est pas Pyeongchang. Messieurs à Radio-Canada, dites la même chose, s'il vous plaît. Ah, Radio-Canada, là, tu sais, m'entendez. Ils sont pas les seuls. Ils sont pas les seuls. RDS aussi, vous faites la même chose. Ouais. Commentez le hockey, il y en a un qui dit Pyeongchang, l'autre il dit Pyeongchang. Ouais. Hey, s'il vous plaît. On peut faire mieux que ça. Vous avez le même micro, là, Boswell. Il y a aussi une station de nouvelles, WLS Channel 7, une station affiliée à ABC à Chicago, qui, par erreur, a diffusé un logo qui était supposé être pour un segment parodique. Ils ont diffusé un logo de P.F. Chang. C'est une chaîne de restaurants aux États-Unis, P.F. Chang. Ils ont diffusé ça dans le par-dessus l'épaule de l'animateur des nouvelles. C'était supposé être pour un segment satirique. Ils sont trompés. Mais faites pas ça non plus. Faites pas ça, vérifiez vos affaires. Ouais. Ensuite, un conseil qui ne s'adressera pas à toi, malheureusement, Tania, c'est un conseil pour le iPhone. Je suis désolée. Ouais. I'm out! Parle-nous de ton fameux LG G6. Je dois dire qu'il y a un temps d'adaptation considérant le fait que ça faisait quasiment plus de 10 ans que j'avais un iPhone. Ah ouais, 10 ans. Ouais. Ben, j'ai eu un iPhone, mon Dieu, mon premier iPhone, je l'ai acheté au cégep. Ah ouais. Donc, ça va faire 10 ans, mettons. T'avais eu des Android avant ça? Ouais, c'était-tu des Android? Ben, c'était dans le temps où c'était des flips, là. Ouais, peut-être WebOS, Palm, quelque c'est chose comme ça. C'est ça, j'ai eu un premier Samsung, ouais. Back in the days. Ouais. Tu sais, comme la première version où que j'avais pas assez d'argent à m'acheter un iPhone. Mm-hmm. Puis j'avais un... c'était le premier touch, mettons. Ouais, ouais. Tu sais, c'était dans ces idées-là. Puis, bon, considérant le fait que je voulais quitter mon fournisseur de ligne téléphonique, eh bien, je me suis rendue à la merveilleuse place que Mathieu m'a gentiment référée, c'est-à-dire la cabine téléphonique. Au Centre-les-Rivières. Au Centre-les-Rivières. Ils peuvent acheter de la pub quand ils veulent. Exactement. Ils se font un plaisir, en fait, de te guider vers le meilleur forfait avec le type de téléphone que tu désires. C'est souvent Virgin parce que c'est les meilleurs pour le prix, hein? Mmh. Écoute. Hein? Mais la restriction du téléphone iPhone me tenait plus ou moins à cœur. T'étais tanné. Pour moi, un téléphone, c'est un téléphone. Ouais. Je suis capable d'envoyer un message texte. Je suis capable d'aller sur Facebook, Snapchat, Instagram, puis je peux-tu appeler. On pourra juste plus partager des petites applications cool. Les emojis. Les emojis aussi. Les emojis me rendent triste sur le système Android. Ils sont pas très beaux. Il y en a qui manquent, en fait. Aussi, ouais. Il y en a beaucoup qui manquent. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas installé d'emojis ou quoi que ce soit encore. Non, non. C'est supposé les avoir. Ça m'attriste. Ouais. Tu sais, le petit bonhomme qui vire les yeux à l'envers. Il est où, son Android? T'as fait tes mises à jour, toi? C'est mon préféré. Puis il est pas là. Ça m'attriste. T'as cette jambe à retourner. Sinon, au niveau des configurations, je te dirais que c'est quand même un petit peu plus compliqué que l'iPhone. Ouais, vraiment. Pas vraiment, mais c'est pas si compliqué que ça, là, mais on s'entend qu'il faut que tu passes par plus de paramètres que l'iPhone pour que se rendre. C'est moins bien classé, c'est ça. C'est ça. T'as souvent des longues pages d'options, alors que sur l'iPhone, il serait divisé en sous-sections. Exactement. Bon. Puis les notifications, tu sais, même si tu bloques les notifications, ils apparaissent pareil sur ta page. Je sais pas si c'est moi qui ai fait quelque chose de pas correct. Possible, très possible. Je ne suis pas guide pour deux scènes. Ouais. Mais sinon, ça va super bien. J'ai le modèle G6. Ouais. J'aime la grandeur. C'est une grande... Ouais, c'est un grand écran. Surface, voilà. Et j'aime le fait qu'avec un LG, c'est pas la même chose chez iPhone. Tu tapes deux fois, ton écran s'éteint. Tu tapes deux fois, ton écran s'allume. Ben, sur l'iPhone 10, maintenant, tu peux toucher pour l'allumer, mais pas pour l'éteindre. Non, mais c'est le 10, là. C'est-tu à combien qu'il était le 10? Ouais, je sais. Je me rappelle bien. Alors, sinon, le petit bouton est au milieu, en arrière. C'est le fun, hein? C'est vraiment cool. Est-ce que c'est un... comment on appelle ça? Empreinte digitale? Oui, aussi. Ouais. J'ai pas fait la mienne encore, là. Ça hein, me manque. On se calme un peu. Mais sinon, le tap-tap, là, c'est merveilleux. Ouais. Je dois apprendre un petit peu à gérer mes pouces, considérant que l'écran est beaucoup plus grand que ce que j'avais. Mais sur n'importe quel téléphone, autre que ton iPhone 5 aurait été plus grand. C'est ça, exactement, tu sais. C'est bon, j'aime bien. J'aime tu vis bien. Pas dans le regret encore? Non, pas du tout. Pas encore, OK. Sûrement que les émojis vont faire en sorte que je vais réfléchir à mon choix encore pendant un petit bout. Ouais. Pour ceux qui sont encore du bon côté, donc chez Apple, chez iPhone, préservez vos yeux lorsque vous utilisez l'iPhone dans le noir en réduisant la luminosité en plus en bas, plus sombre encore que ce que iOS vous permet de faire. Dans iOS, quand vous baissez votre luminosité au minimum, c'est encore trop éclairant pour certains, surtout dans un lit peut-être en couple, quelque chose comme ça. Donc c'est difficile. Pour éviter l'éblouissement, iOS intègre la fonction Night Shift aussi, qu'on sait qui limite la lumière bleue en appliquant un petit filtre jaunâtre. Mais bon, vous pouvez aller encore plus bas, un moyen d'aller au-delà de ce que iOS offre en allant dans les réglages, dans Accessibilité. donc réglage général accessibilité, allez dans adapter l'affichage et vous pouvez réduire l'intensité des couleurs vives en activant la fonction réduire le point blanc. Un curseur fait son apparition et vous permet d'ajuster selon vos préférences l'intensité des couleurs vives de l'iPhone et ça vient un petit peu remplacer ou en tout cas ajouter à l'option de la luminosité. Et tu peux aussi créer un raccourci vers ça pour activer votre paramètre personnalisé. C'est encore une fois dans la section accessibilité, dans raccourci accessibilité, puis vous pouvez sélectionner la fonction réduire le point blanc. Dorénavant, vous aurez juste à appuyer 3 fois sur le bouton d'accueil sur l'iPhone pour activer votre réglage personnalisé le soir quand on veut réduire la luminosité de l'écran. Ensuite, une application pour votre ordinateur qui vous rappelle de prendre des pauses pendant la journée. Ouais, on sait que rester assis très longtemps, c'est mauvais pour la santé, mais des fois, on se rappelle pas à quel moment on s'est assis, puis combien ça fait de temps, tu sais. Y a des montres qui peuvent être programmées ou même par défaut vous dire avec une petite alarme que vous avez été sédentaire trop longtemps, mais ça peut être facile à ignorer aussi. Donc, une application pour Windows, Mac et Linux, donc je renseigne que ça, c'est compatible pour tout le monde, ça s'appelle Stretchy. Ça vous rappelle de prendre une pause de 20 secondes chaque 10 minutes et une pause de 5 minutes chaque 30 minutes. Oh, d'accord. Ces temps-là sont les défauts. On peut les personnaliser pour ce que votre patron vous permet, des trucs comme ça. On peut aussi les sauter complètement si c'est pas un moment opportun. Donc voilà, ça s'appelle Stretchy. Allez voir l'article sur assemblagerequis.com. C'est ovansic.net/stretchy. Stretchy, c'est un petit peu difficile à retenir, mais bon. Et c'est Stretchly. C'est marqué Stretchy dans l'article, mais c'est Stretchly. Bon, ça va bien. Il y a un L. Pyeongchang. C'est Pyeongchang. Stretchly. Voilà, c'est gratuit avec source libre. Il y a plein d'autres options que celles que j'ai mentionnées tantôt. Voilà. Ensuite, comment surveiller vos éponges? Dans votre cuisine, les éponges, des fois, ça... En fait, pas... ça s'en vont pas, genre? Non, pour être sûr qu'ils sont pas, très, très néfastes pour votre santé. Oui, pleine de bactéries, maintenant. C'est ça, parce que les éponges, c'est sûrement la chose la plus dégueulasse que vous avez dans votre maison. En effet. Ouais. C'est dégueu, c'est rempli de microbes, c'est tout mouillé, c'est tout humide, humide, etc. L'odeur d'une éponge, même, c'est dégueulasse. Les études disent, en fait, que les éponges sont plus sales que les toilettes. Oh! Et qu'on devrait remplacer ces éponges à vaisselle et autres chaque semaine. Il y en a qui lavent leur comptoir avec ça aussi. Chaque semaine. Et aussi peut-être d'avoir 2 éponges, si vous êtes pour laver la vaisselle et les comptoirs. Peut-être 2 éponges différentes. Mais bon. Donc, pour savoir, pour se tenir au courant de la durée de vie de votre éponge, et ça fait combien de temps que vous lavez, surtout si vous êtes plusieurs à l'utiliser, une façon apparemment vraiment simple, c'est de prendre un Sharpie et d'écrire sur l'éponge son utilisation, par exemple la vaisselle, peut-être mettons une éponge pour le bol de vos animaux de compagnie. Tu sais, lavez pas les bols de vos animaux de compagnie avec la même éponge que votre vaisselle. Ouais. Ça pourrait être un petit conseil que j'ai comme ça. Vous pouvez écrire la date de la première utilisation de l'éponge ou sinon sa date d'expiration pour vous rappeler de quand le remplacer. Je fais la même chose avec mes contenants des fois, mettons, de sauce spaghetti ou peu importe. J'écris ma date, je me suis gardé un Sharpie dans la cuisine pour écrire la date parce que des fois, tu fais comme, OK, c'est quand j'ai mangé mes pâtes. Ouais. Crib, ça fait finalement 3 semaines. C'est peut-être ta sauce est plus si bonne que ça. C'est ça. Bref, donc écrivez l'utilisation. Sinon, il y en avait un aussi, c'était pas dans cet article-là, mais j'avais vu un conseil de couper le coin d'une éponge. Donc, mettons, ça fait une semaine que tu t'en sers, ben coupe un coin, puis là, c'est rendu que c'est peut-être maintenant pour l'utilisation de ton animal de compagnie, parce que ça dérange pas, justement. Peu importe. Voilà. Donc, c'est un conseil à suivre, à essayer de suivre. Ensuite, ça, j'aime bien ça, c'est pas un humoriste, mais je pense que c'est quand même assez drôle. C'est pour essayer d'améliorer un petit peu les conditions météorologiques, le plaisir à avoir, que ça va neiger, qu'il va y avoir de la slush ou des tempêtes dans les prochaines semaines. Ça s'appelle le Long John Index, qui donne un bulletin aux Canadiens dans le style des stéréotypes. Hein? Donc chaque jour, presque, chaque hiver, c'est le cartooniste, le dessinateur Colin McIntyre qui cote chaque ville sur une échelle de 1 à 5 et ajoute ses commentaires. Il est sur Twitter, c'est Long John Index ou sinon longjohnindex.ca. Donc c'est le site a aussi une analyse, par exemple, à la question « Comment froid fait-il? » Donc, par exemple, en ce moment, peut-être pas en ce moment, mais en Colombie-Britannique, il y a « Snow Schmo ». Hein? Oui. Vers l'est, avant l'Ontario, c'est quoi? C'est Manitoba et tout ça. Ça dit il fait froid, mais moins froid que froid. Hein? En Ontario, c'est tu devrais probablement porter une tuque. Oui. Hein? Donc, il fait tout le temps des commentaires comme ça à chaque jour de la semaine. Ça pourrait être le fun et divertissant. Longjohnindex.ca. Ensuite, échangez justement l'hiver. Échangez vos poignées de main pour. Vos poignées de main et vos high-fives pour vous frapper le coude à la place. Oh. Façon de faire pour pas attraper de rhume. Il y en a qui font le fist bump, mais ça transfère aussi les microbes. Donc, quand vous rencontrez un collègue ou un ami, l'accueillir, faut à l'habitude avoir un petit contact physique, hein? Mais ça veut pas dire que tu dois t'échanger des microbes pour autant. C'est la radio NPR aux États-Unis qui suggère The Liberian Elbow Exchange. Donc, se frapper le coude, ça prend son nom des gens au Liberia, hein, qui évitent de se serrer les mains pendant, qui évitaient de le faire pendant l'Ebola. Hein? Un très bon conseil, la station a parlé à un médecin qui dit que 80% de toutes les infections respiratoires, les rhumes, les grippes et même les diarrhées se passent par les mains. 80%. Donc, aussitôt que tu touches à quelque chose qu'une personne malade a touché, ça va se transmettre assez facilement. Donc, on va échanger ça pour les petits coups de la place. Mm-hmm. Ensuite, on revient à une autre application iPhone qui vous permet de tester des œuvres d'art sur votre mur. Oh, d'accord. Tu sais, des fois, t'arrives dans un nouvel appartement, tu veux décorer ça un petit peu, tu veux mettre des cadres, mais tu te dis, ah, je sais pas si ça serait beau. Hein? Ouais. C'est comme un grand engagement de commencer à faire les trous et tout ça. Donc, si vous êtes dans une situation du genre, IKEA et Overstock offrent des options avec réalité alternative, réalité augmentée, pardon, qui vous permet de voir de quoi vont avoir l'air vos murs et vos œuvres d'art dans votre maison, dans votre appartement. Et il y a Art.com qu'on nous suggère. Art.com, c'est le nom d'une application, en fait. Et avec l'application et votre iPhone, vous allez pouvoir voir de quoi ça a l'air dans le designer de mur de l'application. Hein? Vous pouvez les placer de différentes façons aussi. Pas juste de savoir si ça va être beau sur le mur, mais de savoir de quelle façon les placer, à l'horizontale, verticale, en groupement, peu importe. Ah oui. Donc ça pourrait être une bonne idée. Art.com. Ensuite, tiens, on va parler de Chrome, Google Chrome. Il y a des gens qui utilisent Firefox, des gens qui utilisent encore Internet Explorer. Mais pour ceux qui sont sur Chrome, comment ouvrir des liens avec votre clavier? Ah, ça, je savais pas. Donc, il y a l'extension Vimium, V-I-M-I-U-M, qui vous ajoute des raccourcis clavier un petit peu plus simples que ceux qui viennent par défaut dans votre furteur. On peut ouvrir des liens sans utiliser la souris et sans avoir appuyé sur Tab tout le temps, parce qu'on peut déjà faire ça, ouvrir des nouveaux liens avec Tab, jusqu'à temps que tu trouves le bon lien, puis après ça, c'est un petit peu compliqué. Si t'es souvent sur le web et que ta souris, ben, est pas confortable ou elle est pas dans le coin, ou tu te frottes tout le temps sur le coin du bureau quand tu utilises ta souris, tu veux l'utiliser le moins possible, t'as juste appuyé sur la touche F, sur n'importe quelle page web, et un petit raccourci clavier va popper par-dessus chaque lien. Et pour ouvrir le lien de ton choix, t'as juste à taper le raccourci qui est dans la bulle. Hein? Oh. Et si tu fais Shift F, tous les liens vont t'ouvrir dans un nouvel onglet à la place d'ouvrir sur la page où t'es déjà. C'est vraiment bien. Hein? Vimium, V-I-M-I-U-M, ils ont tout plein d'autres raccourcis, d'autres options disponibles. C'est une extension pour Google Chrome. C'est sur le magasin d'extensions, la boutique d'extensions gratuite de Chrome. Ensuite, on va revenir sur l'iPhone un petit peu encore. Quand on entraîne l'assistant vocal, ça peut être la même chose sur un téléphone Android, mais quand on entraîne l'assistant vocal qui te demande de dire, bon, OK Google ou dis Siri, juste le dis Siri, là, ça va faire que personne au Québec va vouloir utiliser Siri. Ben oui. J'ai même essayé de dire Hey Siri. Non, il faut qu'il y ait un D. J'ai essayé Hey Siri, celui qui a marché, c'est Pi Siri. Ça a marché, ça. Mais faut faire attention puis le dire comme faut, tu sais. Et là, le reprendre plusieurs fois jusqu'à temps qu'elle comprenne que dit Siri, ici, c'est Pi Siri. Mm-hmm. Mais j'aimerais ça juste pouvoir dire Siri. Ouais. Tu sais, le dit, là, marche pas en tout. En anglais, c'est Hey. Ouais. C'est hey Siri. Mais là, en anglais. Ouais, je pourrais, mais. T'sais. Bref, on suggère de reculer de quelques pas lorsqu'on entraîne notre assistant vocal. Ah, hein, d'accord. Ouais. Une des premières choses quand on ouvre un nouveau téléphone, c'est qu'il te demande d'entraîner ton assistant vocal. Hein, et tu peux le faire une fois de temps en temps aussi, si tu veux lui. Si Siri ou l'autre te donne des petits problèmes, tu peux le réentraîner. Ton premier instinct, c'est probablement de prendre ton téléphone et de le mettre très très proche de ta bouche pendant l'entraînement. Mais t'es beaucoup mieux de mettre l'appareil sur une table, dans un endroit évidemment qui est peut-être pas bruyant, là, mais au moins. Tu sais qu'il y a un petit peu de bruit ambiant pour qu'elle soit capable de comprendre ta voix à travers les autres voix. Et donc, tu le fais à quelques pieds et ça va fonctionner mieux dans les situations dans le vrai monde où tu n'as pas ton appareil dans ta main. Par exemple, si le matin, ton téléphone est sur ta table de nuit en train de charger, peu importe. Donc, c'est ça. Allez-y avec quelques pas de recul. Bien ça? Mm-hmm. Ensuite... Tiens, pour ceux qui ont des enfants dans leur entourage, dans leur environnement, et que les enfants sont peut-être rendus à la période de leur vie où ils demandent beaucoup de questions, ils posent beaucoup de questions. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Ah, mon Dieu, ouais. On suggère dans cet article-là de Offspring, c'est un blog pour les parents, d'arrêter de répondre aux questions de vos enfants. Ils disent c'est bien que les enfants soient aussi curieux et ils devraient apprendre par eux-mêmes. En fait, c'est un enseignant de mathématiques, un ancien enseignant qui s'appelle Stephen Clark, qui a expliqué qu'à la place de répondre à la question, tu devrais lui demander pourquoi, selon lui ou selon elle, pourquoi les choses sont comme ça. Okay. En remettant le projecteur sur l'enfant, que ça pourrait être une chose efficace. Par exemple, si l'enfant demande pourquoi le ciel est bleu, ben tu demandes pourquoi tu penses qu'il est bleu. Là, que l'enfant pourrait répondre, je sais pas, quelqu'un l'a coloré avec un crayon feutre, peu importe. Là, tu poses des questions par rapport à ça. Ouais, le crayon, il serait gros comment, etc., etc. Et ça pourrait aiguiser encore plus l'intelligence et la curiosité des enfants. Tania a une face. À quel point est-ce que ça fait genre psychologue qui veut juste répondre avec une question? Ouais, c'est vrai, hein. Genre, t'évites la réponse? C'est la faute de ta mère. C'est pour ça que le ciel est bleu. C'est la faute de ta mère. Pourquoi le ciel est bleu? Parce qu'il est bleu, Boswell. Ta gueule, il est bleu, bon. Fais avec, hein. Deal with it. Le verrais-tu vert? Non, il est bleu. Non, c'est pas vrai, mais tu sais. Une excellente mère. En tout cas. On dirait que j'ai un petit peu de difficulté avec cette façon de faire. Psychopop un petit peu, ouais. Ouais. Ah, je suis d'accord avec toi. Allez, on se calme, là. Ouais. 4 ans liquide, là, et. C'est ça. Ouais, mais j'aime bien, en tout cas, moi, il me semble plus expliquer de la façon que toi, tu le comprends. C'est ouais, moi, ouais, clairement. Je pense que c'est mieux. Mais bon. Ensuite, on vous suggère ici, encore une fois, c'est juste une suggestion, de ne pas mettre votre alarme à votre chanson préférée. Ah, pourquoi? Est-ce que tu fais ça des fois? Ton alarme, c'est ta chanson certainement. Préférée? Certainement. Ben, c'est pas ma chanson préférée, mais c'est une chanson qui a un bon beat, que j'aime. Qui donne de l'entrain. Qui me donne de l'entrain pour que je sois contente de me lever. Ouais, j'apprécie ça. Moi, sur mon application, c'est les petites musiques par défaut de l'alarme parce qu'ils y vont graduellement, de plus en plus intenses. Moi, j'aime pas ça, les petites alarmes de téléphone. Oh, c'est pas des bip, bip, bip, bip, bip. Non, non, non. OK. Non, non, ça, je suis pas capable. Pas capable. Ouf, ça, c'est agressif, je trouve. Aussi, conseil de pas mettre ses fous comme alarme parce que des fois, on diffuse pas le matin, ça. Ouais, c'est ça, Bref, si vous utilisez votre téléphone comme alarme, vous pourriez penser que ce serait bien d'avoir votre chanson préférée. Mais non. Mais non, si vous voulez vraiment une alarme personnalisée, on vous suggère quelque chose d'éphémère, donc une chanson que t'écouterais pas normalement pour le plaisir, mais qui va te ramener peut-être des souvenirs, comme un jiggle d'une publicité ou une chanson de jeu vidéo, une chanson que tu utiliserais pas normalement, que t'écouterais pas habituellement, mais qui a un petit facteur nouveauté pour toi. C'est ce qu'on nous suggère, parce que si à chaque fois que ta chanson préférée arrive et que c'est le matin et que ça te crée un stress, quand tu vas réentendre cette chanson-là, ça pourrait te recréer un stress. Je pense que c'est ce qu'on essaie de dire. Mais pourquoi une alarme te créerait un stress? Parce que c'est le matin et t'es pressé. Il y a des gens comme ça. OK. Il y a des gens comme ça. On dit donc que si tu mets ta chanson préférée, les premiers jours, tu vas aimer ça, mais ensuite, l'effet va se renverser. Ce sera plus me réveiller à ma chanson préférée, mais me réveiller sur la chanson me cause le stress matinal. C'est ce que l'artiste dit. Aïe! Je suis pas de cet avis-là non plus, hein, vraiment pas, mais quand même. À quel point une toune peut affecter ta vie? Ouais. Et on dit aussi, on suggère de trouver une alarme qui n'est pas de la musique, donc des effets sonores, ça pourrait être bien, qui disent. Des petits Pourquoi? Oiseaux. Ça dit que les petits oiseaux, par exemple, vont varier d'intensité à chaque seconde, donc ça ferait une belle façon de se réveiller plus calmement. Je suis pas d'accord avec ça non plus. Non. Ensuite, pour ceux qui ont un Google Home, qui ont vu une publicité passer sur Google Home à la télé, il y en a tout le temps en ce moment, ouais. Ils se disent « Ah, crime, je veux m'acheter un Google Home. » Bon, ben, maintenant que tu l'as acheté, qu'est-ce que tu peux faire avec? Ou encore, si tu l'as pas encore acheté, oui, qu'est-ce que vrai. Tu pourrais faire avec si tu l'avais? Hein? Les haut-parleurs intelligents sont très populaires en ce moment et Google s'est installé une belle petite page web où vous pouvez trouver tout ce que l'assistant de Google est capable de faire. Donc, c'est listé comme ça sur le site assistant.google.com. On dit qu'il y a plus d'un million de choses qu'on peut essayer de faire avec Google Home. C'est divisé en catégories comme contrôle de la maison, jeux et amusement, productivité, et ça pointe vers des nouvelles capacités, des nouvelles aptitudes que votre Google Home peut avoir avec le temps. Et vous avez même une barre de recherche pour trouver une option facilement. Tu peux demander à ton Google Home quelle est ma position de Quidditch, et tu vas pouvoir jouer à un jeu d'Harry Potter. D'accord. Ouais. Hein, quand même. C'est le fun. Tu peux avoir le prix présentement d'un Bitcoin. Tu peux demander s'il y a beaucoup de vent dehors en ce moment. Donc, il y a plein de choses qu'on peut essayer avec un Google Home. Toi qui as maintenant un appareil Android, mm-hmm. Ça pourrait être bon. D'accord. Ensuite, on nous suggère comment tester le nom de ton futur bébé. Ah. C'est toujours un sujet très controversé, les prénoms de bébés, donc on va pas trop s'aventurer là-dedans, mais une façon de tester un nom. Si vous avez trouvé un nom parfait, ça pourrait être le moment de tester le nom. Donc, des petits tests à faire pour ne pas avoir de regrets. Par exemple, le premier test, est-ce que, et là ça va être vraiment, vraiment, vraiment évident, mais le premier test, c'est est-ce que ça rime avec des mots que t'aimerais pas entendre, genre des fonctions corporelles? OK. Hein? Genre pète pipi, quelqu'un, peu importe. Hein? D'accord. Ça pourrait être ça. Ensuite, ça pourrait être le test des mauvais sentiments autour de ça. Par exemple, bon, un ex, quelque chose comme ça, mm-hmm. hein, de quelqu'un dans ton ça, entourage. Ça ouais. Le test de tout le monde a le même nom. Ah, ouais. Aussi. Donc, faire attention, tu sais, tout le monde a son prénom avec une lettre de ton nom de famille pour les différencier dans la classe. Bon, ça pourrait être un test. Ensuite, le test de la Cour suprême. Est-ce que ça fitterait si ton enfant devenait quelqu'un de vraiment bien placé dans la Cour suprême? Ah, OK. Hein? Par exemple, je sais pas, ici ils disent est-ce que le prénom, le nom au complet Ace Danger pourrait être quelque chose qui pourrait fitter comme le justicier de la Cour suprême Ace Danger? Ça pourrait fonctionner. Ensuite, on a, tu sais, je vais y aller avec quelque chose comme, tu sais, une petite recherche sur Google. Oui. Aussi, hein? Le test de la traduction internationale, voir si ton nom veut dire quelque chose d'autre dans d'autres langues. Le test de crier son nom dans un parc. OK, ouais. Pourquoi? Ben, pour voir si c'est un nom, je sais pas, gêne. Ah! Peut-être. Le test de la chanson de Bonne Fête. Hein? Et finalement, tiens, le test du Starbucks. Quand ton enfant va aller chez Starbucks, il va vouloir faire épeler son nom sur un verre. Est-ce que ça va passer le test? Bref, des petits trucs comme ça. Ensuite, on vous suggère d'amener des bouchons pour les oreilles lorsque vous allez au cinéma ou lors de concerts. C'est vrai. Hein, souvent, le son est très, très, très fort. Et transporter des petits bouchons dans la sacoche ou dans la poche, peu importe, ça pourrait avoir l'air de quelque chose de bizarre. Mais plus le son est fort, plus vous devriez limiter votre exposition à ces sons-là. On dit qu'on peut écouter un son de 70 décibels pour aussi longtemps qu'on le veut. Selon l'American Speech Language Hearing Association, 70 décibels, c'est environ le niveau d'une conversation de groupe quand même forte. Mais la limite sécuritaire pour une journée de travail de 8 heures serait de 85 décibels. Et pour un film de 2 heures, un 91 décibels constant. Particulièrement, les films d'action peuvent se rendre jusque-là. Mais des fois, une exposition à un niveau de 100 décibels, une fois de temps en temps, ne va pas endommager ton ouïe si le reste du film est plus silencieux. Les concerts varient, mais souvent, les volumes d'un concert sont plus stables et plus élevés. Pas nécessairement stables, mais leur niveau de décibels est plus élevé que la moyenne. Donc, c'est pour ça qu'on devrait peut-être se traîner des bouchons. Hein? Voilà. Mm-hmm. C'est tout pour les instructions d'assemblage. Les liens sont dans les notes de l'émission numéro 1205 sur assemblagerequis.com. On prend une pause musicale. Tiens, on va pas se boucher les oreilles pour ça, non? Mais non, wow. Ça devrait être correct. On devrait survivre à ça. Une pièce en anglophone que j'ai envie d'entendre, tiens. On va l'entendre. Nos amis de Saint Vincent avec un numéro 1 des dernières semaines. Voici Los Angeles tout de suite à Assemblage Requis. Tantôt, on va parler des Olympiques, je pense. Ben oui, ça s'en vient. In love, sageless, the winter never comes. In love, sageless, the mothers milk their young. But I can keep running, though I can keep running. Hang out by the bar, burn the pages of unwritten memoirs. But I can keep running, though I can keep running. Sunset superstars, girls in cages playing their guitars. But how can I leave? I just fall on the hood of my car. Oh, speechless, the waves they never break. They build and build until you don't have no escape. But how can I leave? I just follow my hood to the sea. Go to sleep. Saint Vincent, avec la pièce Lost Ageless. Ah, ça me l'a choqué. Plus tard à l'émission, on va parler du festival des films de montagne de Banff avec Antoine Ricard. Ça, c'est tout tantôt. Mais avant ça, on va parler des Olympiques. Oui. Après la pause, à Assemblage Rocky. Assemblage Rocky pour toi, aujourd'hui. C'est fou, c'est fou, c'est fou. 89. Thank you. Toujours assemblage requis avec Tania et Mathieu. Et là, on va changer un petit peu d'Olympique. Ben oui, parce qu'on n'a pas le choix, je pense, Mathieu. C'est quelque chose qui prend tellement d'ampleur dans notre vie pendant 2 semaines. C'est sur quasiment tous les postes de télévision. Alors, on se doit un petit peu de faire le tour, faire le point aussi sur ce qui se passe du côté de Pyeongchang. On a appris à le prononcer tantôt, il faut le s'en servir. Exactement. Il y a eu quand même beaucoup de nouvelles cette fin de semaine. On est rendu à la moitié des Jeux, donc là, le Canada est quand même bien seté. On est déjà rendu à un nombre de médailles plus élevé que les années dernières, donc félicitations à notre équipe. Par contre, la Norvège domine toujours avec 26 médailles en première position. C'est énorme. Considérant que le Canada est en 3e position avec 16. OK, mais c'est quand même pas si pire, 3e place, non? Non, c'est excellent, mais tu sais, 26, 16, c'est quand même 10. Ouais. La deuxième, c'est qui? De différence. Les Pays-Bas, si je me souviens bien. Laisse-moi aller voir, je le vois pas. Si je me souviens bien, c'est les Pays-Bas. Ouais. Je dis ça, puis je veux pas dire n'importe quoi. Alors, Norvège, j'te première. Je te demande n'importe quoi. 3e, Canada. La 2e position, pour le moment, c'est soit les Pays-Bas ou l'Allemagne. J'essaie d'aller voir moi aussi. Pou, pou, pou. En tout cas. Allemagne. Allemagne, voilà. Donc, du côté de cette fin de semaine, eh bien, je pense que ce qui a fait pas mal bouger de l'encre ou encore les stations de télévision et les stations de radio, c'est le phénomène Samuel Gérard. Bon. Et non pas, on parle pas de l'animateur de C'est fou. Il est tanné d'entendre ça. Exactement. Je pense qu'il y a tellement de gens qui lui postent des articles du gars qui est aux Olympiques sur sa page Facebook. C'est incroyable. C'est Samuel Gérard qui participe à Matière Noire, qui est chroniqueur au Mathieu Plante Chose. Exactement, mais on le sait, Charles Hamelin, c'est pas nécessairement les Jeux olympiques qu'il espérait pouvoir performer. On a peut-être un petit peu plus de difficultés du côté de notre athlète qu'on connaît très bien en patinage de vitesse. Charles Hamelin qui a décidé que c'était ses derniers Jeux. On veut passer à une autre étape avec Marianne Saint-Gelais, c'est-à-dire créer une famille après ces Jeux olympiques-là. Alors, Samuel Gérard, ça se voyait être un petit peu notre nouvel espoir canadien. On savait pas trop à quoi s'attendre. Pour la plupart, on savait que oui, bon, il était talentueux, mais de là à rafler quasiment toutes, mais toutes du côté du patinage de vitesse, c'était quand même assez surprenant. Donc, c'est quelque chose d'incroyable. On a réussi à gagner l'or en patinage de vitesse courte piste aux 1000 mètres. Donc, c'est quelque chose de quand même assez impressionnant. On a remporté l'argent aux 5000 mètres. Écoute, je pense que c'est la surprise des Jeux un petit peu en patinage parce qu'on croyait en fait que Charles Hamelin serait d'attaque pour avoir les médailles qu'on croyait qu'il allait avoir. Et là, malheureusement, on a comme une baisse de performance du côté de Charles Hamelin, tandis que Samuel Gérard, lui, il y en est à ses premiers Jeux, si je me souviens bien. Sinon, du côté de Sochi, on n'avait peut-être pas nécessairement réussi ce qu'on voulait réussir. Et là, on est là et on performe de façon incroyable. Alors, de ce côté-là, félicitations à Samuel Gérard. On a réussi, grâce à lui, à obtenir une autre médaille et se hisser au troisième position du classement général. Mais c'est clairement le nouveau Charles Hamelin. Ouais. Je pense que Charles Hamelin l'a dit à plusieurs reprises dans certaines entrevues. Lui, il ne reviendra pas. Mais Samuel Gérard, c'est un petit peu l'athlète qui a été derrière Charles Hamelin. On a été formé un petit peu par Charles Hamelin. Ah, donc, son petit padawan. Ben, c'est ça. À ce moment-là, on a vu Charles Hamelin est extrêmement content pour l'or aux 1000 mètres pour Samuel Gérard. On a même tombé en bas de nos expressions. Mais écoute, Samuel Gérard, je pense que c'est vraiment un gars qu'on doit surveiller. On va revenir des Jeux olympiques. On va être extrêmement content. On va devoir voir si ça va suivre, en fait, cette espèce de folie-là du côté de Samuel Gérard. Ouais. Est-ce qu'on va être capable de continuer à performer sur la scène canadienne? sur la scène nationale? Est-ce qu'on va être capable aussi au championnat du monde de faire aussi bien qu'on avait fait cette année? C'est sûr et certain que c'est un gros mandat, mais d'arriver comme ça aux Jeux olympiques sans nécessairement avoir trop d'attentes et de tout rafler, c'est exceptionnel. C'est peut-être la chance du débutant. Exactement. sinon, eh bien, Tessa Virtue et Scott Meyer ont établi un nouveau record du monde à leur programme court. Ça s'est passé ce matin. C'était pendant la nuit. Alors, si vous étiez de ceux qui dormaient, vous ne l'avez pas vu. Ceux qui ne dormaient pas, vous l'avez peut-être vu. Qui sait? Mais on a mis vraiment le feu à la glace dans le programme court en danse aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Et les Canadiens ont battu, en fait, leur propre record du monde parce que c'était eux qui le détenaient. Et ils ont pris l'avance sur les rivaux français qui est Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Donc, c'est une routine qui est quand même assez sensuelle. Il y a vraiment beaucoup d'émotions dans cette routine-là. Et les Canadiens sont très, très forts, en fait, sur tout ce qui est émotion. On travaille avec une équipe de chorégraphes et une équipe d'entraîneurs qui est exceptionnelle. Et on était sur de la musique des Rolling Stones, des Eagles et de Santana. Donc, ça l'a permis, en fait, de pouvoir fracasser leur propre record du monde avec une note de 83,67. On était à 82,67 et là, boum, un point de plus. Donc, ils sont extrêmement ravis, bien évidemment, de la façon dont ils ont patiné. C'était un gros travail et il reste beaucoup de travail aussi à venir. Donc, on doit rester concentré à ce moment-là. Mais reste quand même que c'est un record du monde. On peut festoyer un petit peu. Je pense que Scott Meyer et Tessa Virtue, la plupart des Canadiens espéraient qu'ils soient aussi exceptionnels qu'ils le sont présentement après avoir pris un petit peu de recul des Jeux pendant 2 ans. On s'est retiré de la compétition et là, on est revenu et c'est comme s'ils étaient jamais partis. Ouais. Et c'est comme s'ils revenaient encore plus fort que jamais. Donc, de ce côté-là, c'est exceptionnel de les voir sur la glace. Et comme le dirait Alain Goldberg, c'était magnifique. Ah, ben voilà. Ils sont les meilleurs, qu'on pourrait dire. Exactement. Sinon, du côté du slopestyle, ski acrobatique... Tout le monde parle de ça. Hein? Oui, je pense que c'est un petit peu une discipline qu'on a connue à Sochi. On était peut-être un petit peu moins... comment je pourrais dire... tout simplement émerveillé par ça parce que c'était très, très, très nouveau. Tandis que là, du côté de Pyeongchang, eh bien, on sait un petit peu à quoi s'attendre. On a été informés des gens qui allaient être là, les Canadiens qui allaient être là. Et Laurie Blouin, qui est une Canadienne, mais qui est aussi une Québécoise, va être de la finale du grand saut. Et l'autre Canadienne, Brooke Voigt, a été éliminée. Donc, Laurie Blouin, quand il est venu le temps de faire les premières épreuves, on a eu des sérieuses chutes. On s'est blessé. Un beau œil au beurre noir est resté avec nous pendant quelques jours. Mais les planchistes canadiennes Laurie Blouin et Spencer O'Brien sont parvenus justement à se qualifier pour la toute première finale olympique du grand saut. Ça va avoir lieu aujourd'hui ou du moins un petit peu plus tard. Là. Ouais. c'est une des meilleures planchistes qui est en vague des qualifications. Donc, de ce côté-là, on souhaite la meilleure des chances. C'est sûr qu'on va se tenir au courant de ce qui va se passer. Laurie Blouin a gagné d'ailleurs une médaille à la première compétition qu'elle avait un petit peu plus tôt la semaine dernière. Donc, est-ce qu'on va être capable de ramener tout ça, ramener une autre médaille? Je pense que Laurie Blouin est quand même en mesure de pouvoir faire un excellent classement, un top 3. Je pense qu'on est capable d'aller chercher une médaille à ce niveau-là. Spencer O'Brien aussi, peut-être plus top 5 à ce niveau-là. Je pense que, personnellement, je vais mettre... mon petit 2$ sur Laurie Blouin. Il y a un athlète olympique, Mathieu, si on y va vraiment là, rapidement comme ça, qui du côté du curling... Le curling. A échoué à un test de dopage. Encore ça? Oui. C'est un athlète olympique russe, en plus. Et quoi après le trouble? C'est un petit peu difficile, en fait. Moi-même, je me suis posé la question, comment est-ce que tu veux arriver à te doper pour jouer au curling? Mais j'imagine qu'il y a une façon. Tu sais, si... Je comprends pas non plus. C'est ça. Il est médaillé de bronze en curling double mixte. Donc, il a gagné sa médaille la semaine dernière. On a échoué au test de dopage. C'est le tribunal arbitraire du sport, là, le TAS, qui a tout simplement confirmé le tout ce matin. Donc, un petit peu plus tôt dans la journée, il y a un porte-parole des AOR en Corée du Sud qui avait indiqué justement qu'un athlète de sa délégation, sans le nommer, avait échoué à un test de dopage. Là, on parle de la Corée du du Sud. Mm-hmm. Donc, c'est deux entités complètement différentes. Le média russe Sport Express a révélé, en fait, qu'il s'agissait de l'athlète russe qui est médaillé avec sa femme et que leur curler avait été déclaré positif au meldonium. C'est une substance qui permet notamment d'améliorer l'endurance des athlètes. C'est ce que je pensais, ouais. Et d'accélérer la récupération. Okay. Donc oui, c'est possible de se doper au curling, considérant le fait que c'est quand même de l'endurance et que tu veux te récupérer quand même assez facilement. Parce que la force, t'as pas besoin d'avoir plus de force, sinon tu vas lancer la pierre trop loin. Exactement. Donc l'analyse de l'échantillon B qui a été réalisée lundi, donc aujourd'hui, a confirmé que l'athlète avait bel et bien enfreint le règlement antidopage. Le TAS a pas précisé le produit interdit qui a été détecté, mais dimanche soir, selon une source proche du dossier, eh bien, le contrôle de l'échantillon A qui avait été prélevé sur le sportif a révélé la présence de meldonium. Donc, est-ce que dans l'échantillon B, c'était la même chose que dans l'échantillon A? Présentement, on ne le sait pas. C'est comme pas dit. Ça reste quand même un mystère. Et le comité olympique russe est suspendu par le CIO depuis le 5 décembre, on vous le rappelle. Ouais, justement, ça pas à bien, cause de tout ça. À cause d'un système de dopage institutionnalisé là-bas. Donc, ça les met un petit peu dans le brouillard présentement. Ouais, ouais. Et le patron du curling russe dénonce cette espèce de provocation-là. On dit en fait que c'est une provocation, c'est un acte de sabotage, selon lui, après de le contrôle. De la part de l'athlète, tu veux dire? Bien non, en fait, on est persuadé que c'est une provocation, un acte de sabotage. Depuis 2015, il a donné 11 échantillons et tous étaient négatifs. Okay. Pourquoi est-ce que là, ça se passerait à la tête d'un homme qui justement performe du côté du curling, prendrait une petite pilule interdite juste avant les Jeux? Selon lui, ça fait pas nécessairement de sens. Mmh. Donc, le tribunal arbitraire du sport a saisi l'affaire. On s'entend, là, on est comme encore sous enquête un petit peu. On a quand même remporté une médaille. Donc, est-ce qu'on va enlever cette médaille-là à l'athlète russe? Pour le moment, on le sait pas encore. Le président de la Fédération russe de curling a également réfuté les rumeurs qui assurent que le curler avait rendu son accréditation et il avait quitté le village olympique. Il a parlé aux gars ce matin. Il n'y a aucun d'entre eux qui a quitté le village, donc ça, c'est pas vrai. On était interrogés, bien évidemment, par des journalistes, mais pour le moment, on ne commande pas. On attend une déclaration officielle du TAS et le comité international olympique gère la situation de façon quand même assez sérieuse. C'est très correct, apparemment, ce qu'ils font, même du côté des officiels russes. Là, on dit que ça doit être fait. On doit attendre l'échantillon et c'est un nouveau coup dur, en fait, pour les athlètes russes et la délégation des athlètes olympiques de Russie. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Est-ce que la médaille va rester à son cou? Ça reste à voir. Et controverse encore. On en reparlera dans les prochaines émissions, tout au long de la semaine encore, mm-hmm. De ces fameux Jeux olympiques. Et quand j'en ai l'opportunité, c'est la deuxième fois que je le fais, donc je vais essayer de ne pas le faire à chaque fois. Là, on va écouter une pièce en lien avec les Jeux olympiques. C'est par The Olympic Symphonium. Voici Thanks a Lot. Merci, Tania. They come, they go, they never think to let me know. Oh. They take my breath, they punch me when I'm at my high best. Oh. And I'll just

comparé à moi tantôt quand j'ai dit la même chose mais qu'on n'a rien compris. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci à Léa Tessier pour sa chronique Mashup Musical. Merci à Antoine Ricard pour la chronique qu'il vient de faire. Tellement qu'il va falloir y trouver un nom, cette chronique-là. Ben oui, hein. Merci à toi, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Demain, l'émission, mardi, on aura Marc-Olivier Dumas à 8h pour sa chronique Sport et Filoché. À 8h30, Dominique Nodmavungu et Voix d'Afrique. Et à 9h, Jimmy Thibodeau avec Gaucher Bévue. C'est demain entre 7h et 10h sur nos ondes aujourd'hui. Pour commencer à midi, la rediffusion de C'est dans ta face. À 13h, diffusion de rock classique. À 20h, en direct, rock de neurones avec du rock progressif. Cif.ca pour les notes, la programmation, pardon, et assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balades de diffusion. C'est là que les choses sont. Chaque chose à sa place. Hein? Mm-hmm. Je te laisse retourner à tes Olympiques. Ah, merci, c'est si gentil. Et puis, on se dit à demain. Ben oui, certainement. Bon café, tout le monde. Oui, à demain, c'est N'oubliez pas la caféine, s'il vous plaît. S'il vous plaît, toujours plus. À demain. Bye.